sur mon visage. Je ne sais plus qui je suis. Sans me débattre, guidé vers ces nouveaux rivages, je ne sais plus où.